C'est la fête au village, tous les enfants sont venus, et tous les grands aussi. Que venez-vous chercher, garçons de la montagne? Que venez-vous chercher si vous ne dansez pas? Si vous ne dansez pas, il reste encore possibilité d'insérer son petit jeton dans la fente de l'auto-tamponneuse. On y va, il reste quelques lots à gagner. Approchez, messieurs, dames, approchez. Merci.